à la musique. Le rappel de l'époque assis en ronde au fond d'un bus, un vieux Walkman pourri partagé entre deux capuches, à écouter des classiques de Tupac Shakur ou à refaire le monde en fumant des joints dans la cour. On s'en foutait car on était jeunes et innocents, on se doutait pas que ça durait au fil des ans. On découvrait le son et le son nous découvrait, et c'est comme ça qu'on a craché nos premiers couplets. On se contentait le peu et c'était bon, une cassette et un poste et on était les rois du monde. Des heures dans une pièce, vibrer au son de la basse, à dégoûter d'Acris ou à se faire tailler par Bice. C'était les bons moments, le début des tourments, ça nous a éloignés des conneries et des tournantes. Cette musique a guidé mon avenir, et cette époque me manque comme j'aimerais y revenir. J'ai un flashback, je suis nostalgique, une jeunesse folle, le son était notre antalgique. Élevé dans un zoo, fallait faire preuve de logique, on s'en est bien sorti grâce à la musique. J'ai un flashback, je suis nostalgique, une jeunesse folle, le son était notre antalgique. Élevé dans un zoo, fallait faire preuve de logique, on s'en est bien sorti grâce à la musique. Si on me rappelle l'époque de nos premiers concerts, on manquait de level, on y croyait dur comme fer. On a bien fait, car avec le temps ça a duré. Le rap c'est ma life, y'a pas moyen de saturer. Premier pas en stud, puis le premier album. On pose avec les frères et c'était Yanis à la prod. Ça me rappelle l'époque où on vendait nos premiers bootlegs. Les rageux bavaient, les vrais nous soutiennent. Trop de gars nous jalousaient, mais nous on s'en foutait. Première mixtape, on leur a offert un couplet. Hip-hop infanterie, projet pour les gars du coin, ceux qui nous aimaient bien et ceux qui nous aimaient moins. Fallait relever le niveau, et ouais c'est ça le rap. Délivrer des messages, rester ouvert pour nous c'est ça le rap. Et quand je vois ces MC, penser qu'à leur carrière, ça me donne envie de revenir en arrière. J'ai un flashback, je suis nostalgique, une jeunesse folle, le son était notre antalgique. Élevé dans un zoo, fallait faire preuve de logique, on s'en est bien sorti grâce à la musique. J'ai un flashback, je suis nostalgique, une jeunesse folle, le son était notre antalgique. Élevé dans un zoo, fallait faire preuve de logique, on s'en est bien sorti grâce à la musique. Puis les années passent et c'est direction l'Allemagne. C'est devenu la famille plus qu'une connexion rap man. Kadhafi armé tout deep, ça c'est à la vie. International collabo avec eux, ça va vite. Un son pour les States, big up à DJ S. On a fait Boogie Down Boys et notre son tourne dans le Bronx. Et quand je repense à toutes ces choses, à ce vécu, si ça veut s'arrêter, j'avoue que je serais un peu déçu. J'ai un flashback, je suis nostalgique, une jeunesse folle, le son était notre antalgique. Élevé dans un zoo, fallait faire preuve de logique, on s'en est bien sorti grâce à la musique. J'ai un flashback, je suis nostalgique, une jeunesse folle, le son était notre antalgique. Élevé dans un zoo, fallait faire preuve de logique, on s'en est bien sorti grâce à la musique. Yo, too deep, one love. Oh, I'll be